C'est qui a touché mon micro? La Mrs Croissant, elle est partie boire un canon. Sharon, pose ses... sur un pas. Solo. Are you ready? One, two, three, four. Douter de rien, même du rêve américain. Ça me détend, l'air est si chaud. Dans les stations Texaco, humer l'air du temps. Regarder les feux de la ville, à tout prix se rendre inutile. Los Angeles, la terre tremble. Los Angeles, la terre tremble. Être un cyborg, foncer les yeux pleins de morgue, dans la vitrine, prendre un Valium. De la coque et trois lithium, c'est la routine. Regardez les infos du soir, demain sera déjà trop tard. Los Angeles, la terre tremble. À Los Angeles, la cité des anges. Tout est de rien, même du rêve américain. Ça me détend, l'air est si chaud. Dans les stations Texaco, humer l'air du temps. Regardez les feux de la ville, à tout prix se rendre inutile. Los Angeles, Los Angeles, la terre tremble à Los Angeles. Los Angeles, tout est de rien, même du rêve américain. Ça me détend, l'air est si chaud. Dans les stations Texaco, humer l'air du temps. Regardez les feux de la ville, se rendre inutile. Los Angeles, Los Angeles. Los Angeles. Parti en dance, dance music.